Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Un monde en plastique, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a ces sacs plastiques dont on ne sait plus quoi faire et qui nous survivront. Et puis cette culpabilité de la jolie paille bicolore qui donne un goût amer à notre jus bio au chou kale et au gingembre et qui désormais fait s'étouffer les bébés phoques. Et le pire, c'est que le recyclage semble impossible. Alors pour commencer, les personnages. Des bénévoles qui s'accrochent, une pro du plastoc, un lobbyiste du plastique, un juriste avec des arguments, une spécialiste qui cherche des solutions, un écolo qui résiste, des ramasseurs de déchets, une journaliste engagée et une ingénieure qui décortique. Ensuite, le décor. Du vrac, des palettes, des paquets de gâteaux secs, des océans saturés, des influences, des plages dégoûtantes, des nanoparticules, des mensonges, de la langue de bois et pas la queue d'une solution. Aujourd'hui, 4e épisode, on arrive dans une coopérative. La cagette. Ça ne dit rien. Bon, pour moi, merci. Ah ben, il est là. Ouais, il était pas loin. Alors, c'est quoi la cagette? C'est une... Comment on pourrait dire ça? Une épicerie coopérative, un petit supermarché coopératif. Un monde en plastique, l'hypocrisie du greenwashing, par Somani Na et Alain Lefkovitch. Salut, c'est toi Alain. Bonjour, ouais, c'est Julien, enchanté. Julien. Ouais. Ouais. Salut à toi, je me demandais si tu serais tout seul ou avec quelqu'un. Non, non, mais on est tous les trois. Ah, pardon, vous êtes trois. Ben, salut, moi c'est Julien, enchanté. Bonjour, salut. C'est déjà rencontré, hein. Oui, salut, salut à toi, excuse-moi. Oui, donc tu fais la guide des hauts lieux montpelliérains. Julien Guillaume. Voilà, ben, bienvenue à la cagette, hein. Un supermarché coopératif, une structure à but non lucratif tenue par ses membres qui font 3 heures de bénévolat toutes les 4 semaines et qui peuvent décider entre eux de prendre leur alimentation en main. Il y a quand même une culture d'hyperconsommation qui est développée dans ce pays. Bon, on connaît la généalogie de ça, hein, après-guerre, les pesticides et en parallèle le développement du bio qui est devenu un label payant, alors que ça devrait être le contraire. Hein, mais voilà. Si on regarde les ventes des produits à la cagette, il y a beaucoup de choses qui sont des parts individuelles, des choses à réchauffer, des barquettes en plastique, hein, concrètement. Et on a des alternatives, hein, on a des systèmes de consignes, tout ça, ça prend du temps à se développer. Étant donné que les membres doivent participer 3 heures, donc toutes les 4 semaines, de façon bénévole, ils vont ensemble mettre la main à la pâte, remplir les rayons, regarder les produits comment ils arrivent, attaquer des palettes, vider des palettes, remplir des rayons, enfin voir un peu la réalité de la distribution, parce que la distribution, le modèle de supermarché, hypermarché qui est celui où on consomme 98 ou 9% des produits alimentaires en France, et un produit qui génère une quantité effroyable de déchets. Si vous voulez, on va aller regarder en réserve, vous verrez le carton, le plastique. On essaie de limiter autant qu'on peut, mais il y a beaucoup de boulot. Donc, la vente en vrac, là on est devant notre magnifique meuble à vrac. C'est un peu comme le jackpot, hein, on tire sur le bec, tout tombe. J'ai pas besoin d'expliquer, c'est un peu la norme maintenant dans les magasins bio autres. Alors ils sont garantis sans bisphénol A, etc. Oui, mais là maintenant, il n'y a plus de plastique au contact alimentaire qui émettent du bisphénol A. Ça fait déjà quand même un certain temps. D'accord. C'est un peu comme mettre sans gluten sur des choses qui, de toute façon, n'avaient pas de gluten à la base. C'est un argument voilà, commercial. On peut acheter des amandes sans gluten, oui, mais c'est normal, il n'y en a pas. Ça, c'est une des choses que je voulais mettre en avant, c'est ces sacs plastiques. Donc, si j'ai bien compris, je parle sous ton contrôle, Nathalie. La vente de sacs plastiques est interdite si l'épaisseur est supérieure à 40 microns, c'est ça? Non, si l'épaisseur est inférieure. Inférieure, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce sac? Sac réutilisable. Nathalie Gontard, spécialiste mondiale du plastique alimentaire. Ne pas jeter dans la nature, conforme à la loi numéro 2015-992 du 17 août 2015. C'est du polyéthylène basse densité, PEBD, il y a un petit cirque, qui est potentiellement recyclable. Il y a écrit « Pensez au tri ». Mais alors à côté, il y a un petit logo avec « Sac plastique à jeter ». Alors, en fait... il a été prévu dans la législation d'interdire les sacs jetables, la vaisselle jetable, etc. Mais pour être jetable, et dit jetable, les matériaux qui sont inférieurs à une certaine épaisseur. Donc par exemple, un gobelet en plastique est dit jetable si son épaisseur est inférieure à 200 micromètres. Alors, je me trompe peut-être sur le chiffre, mais en tout cas, il y a une épaisseur. Et donc, quand il a été publié cette intention d'interdire la vaisselle jetable, évidemment, il y a eu une panique aussi des acteurs économiques qui sont venus nous voir et puis après qui sont revenus un peu plus tard en disant « Bon, pas de panique, il y a toujours cette épaisseur limite, il suffit qu'on soit au-dessus pour être considéré comme réutilisable. » Voilà. Donc du coup, il suffisait d'augmenter l'épaisseur de leur plastique pour contourner le fait que ces produits étaient considérés à usage unique et donc interdits. Il y a un flou sur les termes. Les termes, c'est très important, la façon dont on s'exprime, les mots qu'on utilise, etc. Et réutilisable, ça ne veut pas forcément dire réutiliser. Et réutiliser, si on regarde sur le long terme, ça veut dire réutiliser combien de fois ? Alors donc, vous allez réutiliser votre verre en plastique deux fois et il n'est plus à usage unique. Enfin, bon. Ouais. Il y a quand même une certaine hypocrisie, quoi. Enfin, moi, quand je vois ce truc-là, réutilisable, ne pas jeter dans la nature, ça me fait rigoler. Combien de nos copes le réutilisent, effectivement ? Moi, je dirais très peu. Il y a un manque de lucidité sur les bénéfices réels au-delà d'un très très court terme. C'est une question économique, enfin, c'est ce que tu vas sûrement dire par ailleurs, c'est que si à partir du moment où le recyclage du plastique n'a pas un intérêt économique réel, qu'il n'y a pas une volonté politique forte de pénaliser des pratiques pas très écologiques comme celle-là, on va toujours le retrouver pour sa simplicité d'usage et sa massification, quoi. L'idée de ce meuble rack, c'est de faire disparaître ces putains de sachets. Très forte vente de biscuits. C'est des biscuits bio qui se vendent très très très fort parce que c'est du bio pas cher. Donc on a un paquet de 200 grammes de biscuits. C'est des biscuits nappés au chocolat qui est en carton imprimé avec des encres. Bon, je pense pas que ce soit super. À l'intérieur de ce paquet, les biscuits sont dans un sachet plastique individuel, prétendument pour la fraîcheur. Ce paquet-là vient lui-même dans un carton, ce qu'on appelle un colis, et ce colis vient lui-même sur une palette qui est filmée. Donc, pour 200 grammes de biscuits, t'as quand même, je vais pas dire 200 grammes de déchets, mais on n'en est pas loin. Mais alors, moi j'ai du mal à comprendre que un entrepreneur, enfin une marque de l'agroalimentaire dise « bah tiens, on va faire du bio » et en même temps on utilise tous ces plastiques. C'est quoi la logique? Je la comprends pas. Logique économique, clairement. Enfin, je veux dire, on a un système logistique en place de transport où, voilà, le coût d'une palette, ça va être pour transporter une palette du nord au sud de la France, la prestation, elle est facturée quoi, 100 euros hors taxe. Un prix ridicule, en fait. On est dans une économie subventionnée par le pétrole, donc il y a le pétrole utilisé pour le plastique et le pétrole utilisé pour le transport qui travaillent ensemble à en fait nous ensevelir sous une montagne cauchemardesque de déchets. Venez, on va voir en réserve si vous voulez, mais c'est nous, on fait des efforts, on essaie de limiter ça, mais c'est par jour, on fait une quantité de ça là. Donc on a une pile de balles de carton. Alors le carton, Dieu merci, se recycle et est racheté à une certaine valeur d'ailleurs sur le marché en ce moment. Donc on a une presse à balles dans laquelle on met nos cartons et nos cagettes en bois qu'on n'arrive pas à recycler ou repasser à des producteurs. Et on en fait ces balles qui sont enlevées par une société spécialisée, mais il y en a une quantité. Tout ça là, c'est des cartons, c'est des colis. C'est-à-dire la préparation des matériaux, les fameux biscuits là viennent par colis. Donc c'est ce qu'on appelle le par combien en distribution. Donc on a 8 boîtes de biscuits dans un colis. Et les colis sont souvent des petits colis, c'est par 6. Là j'ai des très beaux, ça c'est des falafels bio là. Bon, c'est des produits bio, hein, tout à fait bon, respectable d'un point de vue alimentaire environnemental, mais c'est des barquettes plastifiées, ça vient dans un colis carton, qui est lui-même sur une palette filmée, et ça fait des tas de balles. Ça c'est je pense que c'est même pas la semaine dernière, là on a 4-5 jours, on a 1,5 m de balles de carton et encore on essaie de faire attention. Enfin, la plupart des supermarchés ont une centrale d'achat qui les soutient, qui va leur fournir 90% de leurs produits. En tout, ils auront 20 ou 30 fournisseurs. Nous, à la cagette, on en a 100. Donc on a beaucoup de fournisseurs, ce qu'on appelle des fournisseurs directs, des producteurs locaux, qui nous, c'est assez compliqué à gérer, mais on essaie de diversifier les approvisionnements et justement de pas recourir là-dessus. Mais la masse des ventes, le chiffre de l'entreprise, en gros, est fait par surtout ces choses-là. Beaucoup de gens pensent qu'en mangeant bio, les choses vont changer. Mais en réalité, le bio, on voit bien, c'est maintenant entre les mains d'industriels de l'agroalimentaire qui ont monté des filières intégrées, qui sont là pour faire du profit et de la marge, et qui font les mêmes saloperies qu'avant avec du non-bio. Donc, c'est pas parce qu'on mange bio que les conditions de production des aliments et du bio vont changer. Et pareil pour le plastique, c'est pas parce que toi ou moi ou toi ou lui ou elle font attention au plastique qu'ils font que derrière, le système agroalimentaire va se réformer de lui-même. Si on regarde le rayon, on va dire qu'il y a une cinquantaine de produits et il y en a 5 sans plastique. Voilà, les produits sans plastique sont durs à voir. Regarde le savon d'Alep. À un moment, j'arrivais à acheter le savon d'Alep par sachet de 1 kg. J'avais des sachets en craft de 1 kg. Et celui-là, un savon, il est dans du plastoc, alors que c'est un truc qui est fait... Enfin, tu vois, c'est débile. Mais je ne le trouve pas à des prix corrects en vrac. C'est ça le problème. C'est parce que si j'achète les choses en vrac, il y a une minorité de gens qui vont être très contents de dire « Oui, c'est du vrac, ça correspond à mes valeurs, je l'achète. » Et il y a une majorité de gens qui vont me dire « Mais c'est trop cher, je ne peux pas l'acheter. » Là, j'ai le savon d'Alep à moins de 3 euros. Si j'achète en vrac, il est à 5 euros pour le même truc. Donc, ça fait une différence. Donc, c'est là qu'il faut frapper au porte-monnaie, quelque part. Si on n'a pas une volonté forte de pénaliser le plastique, il va continuer à perdurer et proliférer. Alors, nous avons ici les sacs poubelles écologiques. Donc, je te laisse nous commenter l'étiquette, venir à quel point c'est écologique, je pense pas du tout. 80% plastique végétal, une innovation, canne à sucre. Ils sont 100% recyclables, pas recyclés. Ouais. On est bien d'accord. Donc du coup, c'est du plastique conventionnel qui a été fabriqué à partir de canne à sucre. Ce qui laisse assez dubitatif. Ouais. Je vois pas quel est l'intérêt... d'aller utiliser une ressource alimentaire pour fabriquer du plastique. Si, l'intérêt c'est de pouvoir écrire écologique sur le papier, sur l'étiquette. Et c'est vrai que si on ne sait pas vraiment de quoi il retourne, à choisir entre ces 1, 2, 3, 4 sacs plastiques, je vais prendre celui-là qui est écologique et qui est vert, même si, in fine, il ne l'est pas. Et puis il y a aussi écrit fabriqué en France. Là, c'est pareil, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, ça veut... peut-être qu'ils ont fait venir des rouleaux et des rouleaux et mis leur étiquette dessus, parce que fabriqué en France, c'est souvent reconditionné en France. Hein, ça. Donc, ces plastiques issus ces plastiques végétaux, entre guillemets, utilisent en général soit de la canne à sucre, soit de l'amidon. Mais en fait, ils n'ont le polymère fabriqué n'a strictement aucune différence avec le polymère qu'on obtient à partir de pétrole. Donc les problèmes environnementaux du devenir de ces déchets sont strictement les mêmes. Le plastique n'est pas incompatible avec le bio. Jean Martin, délégué général de la Fédération de la Plasturgie et des Composites. Le plastique a des vertus en particulier de conservation, donc de conservation des produits bio, et ces vertus, il faut absolument les mettre en avant et les utiliser. On imagine mal aujourd'hui de vendre un certain nombre de produits bio sans qu'ils soient emballés suffisamment correctement pour garantir leur longévité, une DLC suffisante, etc., etc. La vente en vrac, elle peut se justifier dans un certain nombre de cas. Dans d'autres cas, en termes d'hygiène, en termes d'etc., c'est extrêmement discutable. Bon, c'est vrai qu'on voit s'accroître un certain nombre de magasins de vente en vrac. Je ne pense pas que ça puisse avoir à moyen terme un développement très important. Je crois beaucoup plus, par exemple, aux circuits courts et aux choses comme ça, qui, elles, ont une vraie valeur en termes d'économie, d'empreinte carbone, de transport, etc. Ça c'est quelque chose d'important. La vente en vrac, à mon avis, aujourd'hui, elle restera quand même relativement limitée. S'il vous plaît, Madame Châtel. Thibaut Turchet pour... Moi, je m'appelle Thibaut Turchet, je suis avocat de formation et je suis salarié à Zéro Waste France, responsable des affaires juridiques. Moi, c'est plutôt tout ce qui est aspect réglementaire, contentieux locaux. Je partage une partie de l'activité sous la responsabilité de Laura en matière de plaidoyer. C'est plutôt ça le problème. D'accord, monsieur Turchet. Là vraiment, le périmètre. Moi, je suis Laura Châtel et je ne travaille pas au ministère. Je travaille à Zero Waste France. Je suis responsable du plaidoyer. Le plaidoyer, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est le mot qu'utilisent les associations, les ONG, pour parler du lobbying, en fait. C'est la même activité, mais c'est du lobbying qu'on considère être pour l'intérêt général, pour l'intérêt environnemental. Et donc, on appelle ça plaidoyer pour se distinguer. Parce que moi, je voudrais quand même qu'on nous donne des chiffres. Bon, la population française, l'opinion publique, c'est très bien. Moi aussi, je suis concerné par les problèmes environnementaux. Néanmoins, est-ce qu'on a des chiffres qui finalement sont le cadre de cette réglementation? Est-ce qu'on a une étude d'impact quand même sur laquelle se baser? Il faudrait quand même savoir sur quoi on va normer. Oui, enfin, on a quand même beaucoup de chiffres. Il y a eu beaucoup d'études ces dernières années, je crois. Là, vraiment, l'idée, c'est de commencer à dessiner des pistes de réflexion, à minima, des propositions. Nous, notre feuille de route, c'est faut trouver la meilleure solution pour préserver l'environnement, pour limiter les pollutions, pour réduire notre impact sur l'environnement. Le poids des différents lobbies ou des différents représentants d'intérêts n'est quand même pas le même. Quand un responsable politique vous dit « on reçoit tout le monde », oui, et en même temps, on n'a pas le 06 de Bruno Le Maire. Les PDG d'un certain nombre de grandes entreprises l'ont. Donc c'est quand même, et ça c'est je caricature, mais c'est évidemment vrai en termes de moyens déployés. Il y a un certain nombre de lobbies qui sont très puissants et donc qui ont les moyens d'embaucher énormément de personnes très très compétents, avec beaucoup d'expérience pour influencer la décision publique, là où les ONG et d'ailleurs aussi les collectivités locales ou les représentants de l'intérêt général ont beaucoup moins de moyens pour la même chose. Alors, je n'aime pas trop le terme de lobbyiste parce qu'il est aujourd'hui très péjoratif et nous ne sommes pas du tout dans cet esprit. C'est vrai que nous sommes là pour porter, défendre l'intérêt des entreprises, mais pas n'importe quel intérêt. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour défendre ce qui est indéfendable, et en particulier certaines utilisations des matières plastiques qui ne sont pas défendables. Alors nous avons une représentation à Bruxelles avec l'ensemble des plasturgistes européens. Donc il y a une structure qui représente l'ensemble des plasturgistes européens, et donc qui est intervenue au niveau de Bruxelles il y a 2 ans dans la mise en place de la stratégie plastique, l'année dernière dans la mise en place de la directive sur les produits à usage unique. Bien sûr, nous avons essayé de défendre un certain nombre de points de vue, mais bon, globalement, c'est vraiment un travail qui se fait relativement en collaboration. Au niveau français, c'est la même chose. Nous avons des contacts avec le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances, qui couvre le secteur de l'industrie. Nous avons des relations tout à fait cordiales, très constructives. C'est-à-dire que les pouvoirs publics nous expliquent très clairement qu'il y a un certain nombre de choix et de décisions qui doivent être prises parce que ça correspond à une aspiration des populations, disons. Et donc nous essayons en face de ça de donner les arguments qui permettent d'orienter les choix pour qu'ils soient les plus favorables à nos entreprises. Comment on passe de « le plastique, c'est fantastique » à « le plastique va détruire la planète » ? Je crois que c'est surtout un phénomène d'image lié au problème des océans. Et bien sûr, l'impact que ça a pu avoir sur la faune, etc. Je crois que c'est ce côté-là qui intervient. Les inquiétudes qui sont portées, qui sont injustifiées, mais qui sont portées sur les phénomènes que ça pourrait avoir par rapport à la santé. Aujourd'hui, il n'y a strictement rien d'avéré dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, comme il faut l'être d'ailleurs sur tous les matériaux. Mais je pense que c'est un peu l'accumulation de ces phénomènes-là, mais le phénomène de l'image portée sur les océans, je crois, est celle qui est de loin la plus forte. Quand on regarde le comportement de nos concitoyens, il est clair qu'ils continuent à acheter des produits emballés en plastique et sur-emballés en plastique. Il y a eu des expériences qui ont été tentées en disant aux gens, quand vous sortez du magasin, tous les suremballages vous laissez sur place. C'est des expériences qui ont eu strictement aucun succès. Alors après, il y a ce phénomène d'abandon de produits plastiques à droite à gauche, comme d'ailleurs différentes formes de déchets. Il y a un petit problème de citoyenneté qui est à travailler. Et je pense que l'éducation telle qu'elle est faite aujourd'hui dans les écoles permet d'avancer dans cette direction. Il y a plein d'initiatives qui sont lancées ces derniers mois, ces dernières années, qui ont l'apparence de résoudre les problèmes. Je pense par exemple à tout ce qui va être ramasser les déchets dans l'océan, faire dans son jogging et ramasser les déchets. Donc il y a plein de gens, si vous voulez, qui ont des super intentions, qui disent « moi, je fais ma part, je résous les problèmes ». Et en fait, le problème, c'est que oui, ça va dans le bon sens, mais... on ne résout pas le problème à la base. Voilà. Et en fait, les industriels savent profiter en fait de ces initiatives de gens qui sont tout à fait sincères, il n'y a aucun souci, pour toujours, si vous voulez, remonter un peu d'un cran et déradicaliser, enlever l'attention du vrai problème. Par exemple, le problème des déchets en mer, c'est pas le problème de les ramasser ou pas. C'est bien, évidemment, si demain on pouvait vider l'océan de son plastique. C'est savoir, en fait, le vrai problème, c'est la production de déchets à la source. C'est le matériau plastique plus particulièrement. Et c'est toujours pareil, le problème des déchets dans la nature, c'est évidemment les gens qui les jettent dans la nature. Il y a un problème d'éducation, donc ça aussi c'est la racine du problème. Et puis les déchets qui sont produits, souvent du jetable, des canettes, des choses comme ça. Et donc il faut faire très attention avec ces initiatives qui sont c'est mieux que rien ou ça va dans le bon sens, etc., qui en fait nous font perdre de vue souvent, même si c'est pas l'intention des gens qui les font, qui nous font perdre de vue le vrai problème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pollueur, payeur de bonnes actions ? Alors ça veut dire que des fois, il y a quand même en effet des entreprises, des pollueurs qui vont financer ce genre d'action. Je pensais notamment, il y a Vacances Propres qui a fait l'objet d'un développement dans Cache Investigation qui était financé par des grandes entreprises. Il y a des choses aussi qui ne sont pas forcément financées par des grandes entreprises, mais qui sont lancées par des gens qui ont l'impression de bien faire. Et c'est vrai que nous, notre rôle aussi, c'est de leur rappeler quel est le... Il n'y a pas de vrai combat, mais... Quel est le combat qui nous permettra de vraiment avancer et de résoudre le problème efficacement et durablement, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Alors quand Veolia contacte la presse, grand messe autour du plastique, Veolia s'engage pour nettoyer la planète, c'est quoi ? C'est de la com ? C'est ce qu'on appelle un peu la bataille culturelle. En fait, c'est l'acculturation de l'opinion publique à des choses identifiées comme étant des solutions. Et ça, tous les jours, c'est un combat permanent entre les grandes entreprises qui, évidemment, font avancer leur pion. Et puis nous, il faut qu'on démêle ça en tant qu'asso, démêler le vrai du faux, la vraie action de la com et qui n'a pas d'action derrière. Donc oui, c'est l'aspect bataille culturelle du lobbying, qui c'est un aspect du lobbying, hein. Il y a d'autres aspects de lobbying, mais en effet, occuper l'espace médiatique et l'espace de l'opinion publique, hein, peu importe le moyen, c'est une façon de faire du lobbying. Il faut qu'on fasse du lobby. Jean-Claude Lumaret, directeur général de la société Carbios. Il faut qu'on fasse du lobby en Europe, il faut qu'on fasse du lobby en Afrique, il faut qu'on fasse du lobby en Asie. Il faut en passer par une sensibilisation pour que les gens considèrent que cette bouteille qu'ils allaient jeter, je dirais, ni plus ni moins dans la nature, non, c'est une source de matière première. Parce qu'avec votre vieille bouteille, vous allez refaire une nouvelle matière première et vous allez refaire une bouteille. Moi, aujourd'hui, chez Carbios, ou chez Carbiolis, je dirais, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est notre sérieux. Je vais pas, vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Non, je vais vous dire, voilà, il y a des solutions. Ces solutions, elles sont compatibles avec l'environnement qu'on souhaite, elles sont compatibles avec les besoins que vous avez, mais sans contrainte environnementale, avec ce caractère home compostable, qui est très important. Faire en sorte que votre poubelle jaune, finalement, ça soit votre nouvelle matière première pour demain. Je crois qu'il faut être bien conscient des problèmes à long terme et de ce qu'on cherche à résoudre. Et si on cherche à résoudre le risque de présence de particules de plastique dans notre environnement de façon massive, il faut bien prendre les mesures qui permettront de l'éviter. Merci d'être là à l'appel de Surfrider et de tout un tas d'autres associations que je remercie et qu'on va pas tarder à citer. Vous le savez, Surfrider est une association qui agit pour la préservation du littoral et des océans. Et comme 80% des déchets qu'on retrouve dans l'océan viennent de l'intérieur des terres, on est aussi là, à Paris, pour agir. et faire des collectes de déchets participatifs, ce qu'on appelle dans notre petit jargon à nous les initiatives océanes. À quoi ça sert? Alors, on ne vous a pas demandé de venir... On est au mois de mars, c'est le premier week-end de printemps. Lionel Chélus de l'ONG Surfrider. Aujourd'hui, on a fédéré un certain nombre d'associations avec qui on est assez copains et avec qui on travaille régulièrement pour faire venir du monde. Je sais pas, j'ai dans l'idée qu'on devrait être 200 personnes pour faire cette collecte. C'est important pour les gens parce que ça leur permet d'avoir l'impression de faire quelque chose pour lequel ils se sentent utiles. Ils ont l'impression de pouvoir agir au quotidien. Nous, le grand message à Surfrider aujourd'hui, c'est de dire il faut être dans une démarche 3R, 4R même. Refuser, réutiliser, réduire aussi, et puis recycler. Alors, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Vous dites être spécialisé dans la question du recyclage ou de la fin de vie de tous ces produits plastiques. C'est ça qui pose problème? C'est pas le plastique, en fait, c'est le recyclage, la fin de vie, la disparition de cette matière. Alors, ce qui pose problème, c'est le devenir de ces matériaux une fois leur utilisation terminée. Que ces matériaux soient recyclés ou pas, hein, ça change rien. Ce sont des matériaux polymériques qui vont se dégrader très très lentement en petites particules. Pour un plastique classique, il faut entre 100 et 200 ans, mais on sait pas, on n'en sait guère plus. C'est quoi un plastique classique? Bah, par exemple, un film de polyéthylène, ou je sais pas, les sacs de course, les sacs dans lesquels, les espèces de barquettes dans lesquelles sont emballés vos produits, etc. Donc il faut un temps très long pour qu'il y ait dégradation complète. Et entre-temps, il y a des formes intermédiaires de dégradation qui sont des particules. Et ces particules, au cours de la dégradation, deviennent de plus en plus fines. Et donc on se retrouve avec un risque d'exposition massive à des particules fines de plastique. Alors, il y a le risque vis-à-vis de la taille, c'est-à-dire qu'on sait que quand certaines particules ont atteint une certaine taille, elles peuvent diffuser partout, alors dans les compartiments de la Terre, mais aussi dans notre organisme. Donc du coup, on peut s'imaginer que dans 100 à 200 ans, il n'y a aucune raison pour que tous les plastiques qui ont été enfouis et qu'on considère comme disparus dans les stations d'enfouissement ne puissent ensuite diffuser dans tous les compartiments de la Terre, donc diffuser par lixiviation avec les eaux de pluie, et ensuite donc on va les retrouver dans les rivières, la mer, etc. Donc ça, c'est l'échelle micro. À l'échelle nanoscopique, là, on va pouvoir aller, et on le sait, à une pénétration des organes qui constituent notre corps, c'est-à-dire que ces particules ont la possibilité de passer dans nos organes, sachant que notre corps n'a pas la capacité à s'en débarrasser comme n'importe quelle substance chimique. Et donc ces particules, quelle que soit la nature, la nature qui constitue la matière de ces particules ne pourront pas être éliminées simplement par le corps et donc vont s'accumuler et entraîner des phénomènes inflammatoires. Donc c'est le risque avec tout type de nanoparticules. Il faut savoir que nous utilisons des plastiques de façon intempestive, importante, que depuis une cinquantaine d'années. Donc du coup, on n'a pas encore le résultat de cette dégradation, en tout cas de façon importante. On peut dire qu'on va l'avoir d'ici une centaine, 50, 100 ans, à peu près. On commence à le voir parce qu'il y a des conditions qui accélèrent cette dégradation. Par exemple, lorsqu'on va utiliser des plastiques qui sont déjà petits, lorsqu'on va par exemple utiliser des fibres synthétiques dans nos vêtements, lorsqu'on va laver, l'abrasion va encore dégrader de façon un peu plus fine ces fibres synthétiques, et ensuite elles vont partir dans les eaux de lavage, et on sait qu'il y a pas mal de fibres qui viennent de là. Lorsqu'on va utiliser ces matériaux sur les revêtements des routes, l'abrasion du passage des voitures, là aussi, va accélérer la dégradation et en petites particules. Et ensuite, lorsqu'il pleut, les eaux de pluie lessivent ces produits de dégradation, et on retrouve ces particules déjà donc dans les eaux douces, les lacs, les mers, etc. Donc là, puisqu'on est quand même vraiment en train de prendre conscience de ce danger, je pense que la première mesure à prendre est de fermer le robinet, comme lorsqu'on arrive chez soi et qu'il y a une inondation. On peut chercher à l'éponger avec une efficacité discutable en mettant en avant des solutions qui ne sont pas vraiment au point. Je pense que quand même, le premier réflexe devrait être de commencer à fermer le robinet. Alors, fermer le robinet, ça veut dire quoi ? Diminuer notre consommation. Parce qu'il faut quand même être bien conscient que la consommation de plastique ne fait qu'augmenter. Hein ? On n'a même pas commencé à stabiliser notre augmentation de plastique, de la consommation plastique par année. Et moi, je pense qu'un des principaux rôles que doit jouer notre gouvernement actuellement, c'est de lancer des campagnes d'information sur les risques liés à la consommation massive de ces plastiques. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher de mettre des matières plastiques en décharge ou de les incinérer plutôt que de les recycler. Donc il faut impérativement que l'inverse se fasse, c'est-à-dire qu'il y ait une politique qui rende moins intéressant économiquement la mise en décharge et l'incinération. L'autre élément aussi qu'il y a, c'est que recycler une matière plastique, ça coûte de l'argent. Et quand la matière vierge est à un prix très bas, c'est-à-dire quand le pétrole est à un prix très bas, la matière vierge est souvent moins chère que la matière recyclée. D'où la tentation d'aller systématiquement vers la matière vierge. Donc il y a un phénomène économique qui doit absolument se mettre en œuvre, c'est rendre l'utilisation de matière recyclée plus intéressante économiquement et surtout faire en sorte que la mise en décharge soit à des coûts prohibitifs de manière à ce qu'on ne fasse plus de mise en décharge à terme. Alors c'est vrai qu'il existe des infrastructures aujourd'hui de mise en décharge, il existe des infrastructures de valorisation énergétique. Celles de valorisation énergétique, on en aura toujours besoin dans la mesure où tous les plastiques ne sont pas recyclables. Et donc les plastiques qui ne sont pas recyclables, il faut les collecter. Et une fois qu'on les a collectés, il faut les valoriser énergétiquement, c'est-à-dire récupérer toute la valeur énergétique qu'il y a à l'intérieur de la matière plastique. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas recyclables. Mais la très, très, très grande majorité est recyclable. Et donc il faut interdire la mise en décharge et développer les moyens pour faire le recyclage de ces matériaux et les réutiliser. Ces lois n'existent pas encore ? Elles sont en train de se mettre en place, ça fait partie des éléments qu'il y a en particulier dans la feuille de route économie circulaire qui a été mise en place par le gouvernement actuel, qui doit déboucher dans quelques mois sur une loi, et dans cette loi il y aura dans tous les cas des objectifs très clairs. Le président de la République a posé comme objectif 100% de matière plastique recyclée en 2025. C'est de la com, et c'est de la com qui a cet avantage, c'est qu'elle met en avant le fait que les matières plastiques, quand elles sont recyclées, ont un vrai atout écologique. Je crois qu'il faut le dire. Alors, quand on dit plastique écologique dans le monde actuel, ça paraît complètement surréaliste. Non, c'est une réalité factuelle. Les matières plastiques, quand elles sont recyclées, ont une empreinte carbone qui est nettement plus favorable que la plupart des autres matériaux. Donc ça, c'est un point qu'il faut dire. Ensuite, 100% de matières plastiques recyclées, c'est un objectif qui est non seulement ambitieux, mais qui n'est pas atteignable. Ce qui est atteignable, c'est 100% de matières plastiques recyclées ou valorisées. Et cet objectif-là, pour 2025, il va être dur à atteindre pour 2025, mais il est clairement inscrit dans les années qui viennent et nous y arriverons dans quelques années, c'est sûr. Alors pourquoi dire 2025 si on sait que d'ici 6 ans, on n'y arrivera pas ? L'objectif en termes de temps, il a été fixé par les politiques. Je pense que le fait de donner cet objectif très court terme, hein, puisqu'on est quand même sur des cycles longs, ça crée une pression, une tension à l'intérieur de notre profession qui est finalement très positive, qui fait que beaucoup de choses qui se faisaient dans des délais plus longs aujourd'hui sont en train d'être raccourcies. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'industrie, quand une entreprise a fait le choix d'intégrer la matière plastique recyclée, ça veut dire qu'elle a investi pour transformer les machines, pour transformer ses process, et c'est un processus qui est irréversible. D'accord. Donc on ne va pas faire la matière plastique recyclée et l'utiliser pendant quelques mois pour arrêter. Non, c'est quelque chose qui est irréversible. Cette dynamique, grâce à ce slogan 100% de matière plastique recyclée en 2025, cette dynamique, elle est engagée. Alors ça, c'est le genre de déclaration qui me fait sortir de mes gonds. Parce que ça n'a aucun sens. On pourra 100% de plastique recyclé, ça signifierait que l'on est capable de recycler parfaitement, c'est-à-dire de recréer un matériau plastique identique à l'origine à partir d'un plastique usagé. Mais c'est faux, on n'en est absolument pas capable. Comment on peut dire ça? Et à la rigueur, je me dis, bon, ok, manque d'informations, naïveté, optimisme, ok, on peut le voir du côté positif. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que ça masque le besoin de réduire la consommation, parce qu'on se dit, mais bon, pourquoi réduire sa consommation, puisqu'il suffit de le mettre dans la bonne poubelle pour que le plastique soit recyclé et que le déchet plastique disparaisse. Le plastique, pour le recycler, il faut le collecter, le trier, le traiter. Alors, quand on parle de recyclage mécanique du PET, c'est une décontamination à haute température sous vide ou sous flux de gaz. Donc là, c'est pas rien. Ce sont des investissements en équipement, c'est une consommation en eau, en énergie, etc. quoi. C'est pas non plus. Donc ça, c'est pour le recyclage mécanique qui est le plus efficace. Et pourtant, on n'arrive pas à recycler en boucle fermée, ce qui veut dire que le plastique est quand même dégradé parce que après décontamination, on est obligé de le repolymériser. Bon, j'ai peut-être pas rentré dans les détails techniques de ce recyclage, mais donc du coup, on le repolymérise, mais quand même, il reste dégradé dès le premier cycle. Donc souvent, on le mélange avec du plastique vierge pour retomber sur les propriétés d'origine. Et quand on passe au recyclage chimique ou enzymatique, au recyclage monomère, c'est-à-dire qu'on va dégrader le plastique jusqu'à l'étape monomère pour pouvoir ensuite repolymériser, là, on consomme encore plus. On consomme encore plus de produits chimiques, de produits divers et variés pour arriver à décomposer ce plastique. Alors, peut-être qu'un jour, on sera capable de le faire simplement. À ma connaissance, ce n'est pas encore le cas. Et actuellement, on ne sait pas recycler en boucle fermée. Et voire même, je suis sceptique, je vois absolument pas comment on pourrait recycler de façon rentable du plastique en boucle fermée actuellement, quoi. Alors quand Emmanuel Macron fait cette déclaration, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux industriels du plastique, n'ayez crainte, l'activité va se poursuivre. Moi je pense qu'il dit aux industriels des plastiques, ne paniquez pas, hein. On va pas vous mettre au pied du mur, on va pas, voilà, vous aurez toujours moyen pendant quelques temps de contourner les objectifs que l'on vous fixe. En général, pas tout le temps, mais en général, Laura Châtel. L'objectif du lobby industriel d'entreprise, c'est de gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent, et donc même gagner 2 ans sur une politique où ça veut dire 2 ans, on va pouvoir continuer comme avant, et donc gagner de l'argent, pas avoir forcément à investir dans des nouveaux équipements, etc. Alors, quelques techniques, on a essayé d'en passer 3, en l'occurrence là, tout à l'heure, dans notre sketch, évidemment, il y a toujours la technique de montrer, moi, ce que j'appelle le bout du doigt. C'est-à-dire, en fait, le problème du shampoing emballé, c'est pas l'emballage, c'est la douche. 80% de l'impact, en fait, c'est la douche, c'est-à-dire la température à laquelle on se lave, passer de l'énergie, la durée de la douche, est-ce qu'on prend une douche ou un bain, etc. C'est les choses qu'on a entendues. Et donc, 20% en fait, de l'impact, c'est l'emballage. Donc, finalement, toi, décideur, ministère qui veut réglementer la taille des bouteilles de shampoing ou les matériaux, en fait, tu t'attaques pas au bon sujet. Il faudrait mieux dire aux gens de prendre des douches plus courtes. Donc, en fait, si vous écoutez les entreprises, on ne s'attaque jamais au bon sujet. Il y a une véritable inquiétude sur le plastique bashing actuel, dans la mesure où ce qu'on voit, c'est qu'on est totalement dans l'émotionnel, on n'est pas dans le rationnel, et donc dans l'émotionnel, on peut prendre des décisions qui sont totalement irrationnelles. Et c'est ça qui inquiète un petit peu les entreprises de plasturgie. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui est irrationnel dans tout ce qu'on entend et qu'est-ce qui est rationnel? Ben, on entend des choses sur les risques que présentaient les matières plastiques et des choses qui sont totalement infondées. Sur le risque que présenteraient certains transferts, certaines migrations de matières plastiques vers les aliments, des choses comme ça. Donc alors qu'il existe des réglementations qui sont parfaitement appliquées, qui sont parfaitement respectées. Donc ce genre de choses crée une inquiétude. On a actuellement des débats sur les cantines où on accuse les produits en plastique de présenter des risques majeurs pour les enfants alors que c'est totalement infondé. Donc si vous voulez, il y a toutes ces informations qui circulent qui créent vraiment une image du plastique qui n'est pas la réalité. Et c'est quelque chose contre lequel il est extrêmement difficile de se battre. À l'inverse d'autres matériaux qui ont des images extrêmement positives, alors que si on regarde dans le détail leur bilan écologique, je veux dire, les choses sont beaucoup moins roses qu'on veut bien le croire. On a besoin du plastique. On fait des cœurs artificiels à base de plastique. On fait des prothèses pendant une opération du dos. On va vous faire une prothèse immédiatement en plastique, en impression 3D, etc. Donc le plastique présente énormément d'avantages. Je pense qu'on rendrait probablement beaucoup plus service à la population et à la planète en montrant tous les avantages que présente le plastique, parce que ça permettrait, en contrepoint, de bien montrer là où il ne faudrait pas l'utiliser. Peut-être ramasser les sacs, le temps que Lucia de Zero Waste Paris arrive. Elle a cette science de comment on se passe du plastique. Alexandre Reza Kokabi, journaliste, un reporter. Donc là, c'est un sac plastique que j'ai ramené hier de Caen pour ramener quelques affaires de chez mes parents. Là, c'est un sac plastique que j'ai eu à la pharmacie. Je sais qu'il faut dire non, mais... En fait, c'est pratique. Ça, c'est le sac plastique où je mets mon linge sale, habituellement. Alors ça, c'est un sac plastique Fnac qui doit me servir à trimballer mes chaussures. Et voilà, là, il y en a plein. C'est vraiment... J'ai halluciné quand j'ai fait ça. J'ai fait... Ah, je vais répondre à Lucia. Allô ? Ok, ça marche. Bah, je vais ouvrir, j'arrive. Ok, merci. Ça vous a pas échappé, il y a quelques journalistes qui ont tenté de dire « bah tiens, moi je vais vivre sans plastique » et alors c'est amusant ou c'est ridicule de faire ce genre d'expérience ? Les gens qui veulent vivre sans plastique aujourd'hui, c'est réellement... Ça part d'un bon sentiment, je pense, parce qu'ils ont le sentiment que ce matériau n'est pas adapté. En réalité, il faut qu'ils creusent le sujet et qu'ils se rendent compte qu'il est très très adapté, probablement aux valeurs qu'ils défendent sur la sauvegarde de la planète. Grâce au plastique, on a fait beaucoup d'économies d'énergie dans le passé. L'autre avantage extrêmement important du plastique, c'est que son empreinte carbone, quand on regarde le cycle de vie complet d'un plastique, son empreinte carbone est nettement moins importante que celle que l'on trouve pour d'autres matériaux. Donc ça, c'est un point absolument majeur qui est très peu connu, mais qui est réellement un élément absolument essentiel pour le futur. Et lorsque le plastique, après son premier usage, est recyclé et réutilisé, là, comme il faut très peu d'énergie et il faut pas d'eau pour recycler du plastique, on a vraiment un avantage extrêmement important en termes d'impact, je dirais, sur le réchauffement climatique. Le plastique présente de vrais avantages. Donc, dans un pays comme la France... Même si les comportements ne sont loin d'être parfaits, il y a quand même aujourd'hui des systèmes des collectes et des systèmes de récupération des matériaux, des systèmes de tri puis de recyclage qui permettent de limiter les fuites de plastique vers les océans, vers un certain nombre d'endroits. Malheureusement, le problème est beaucoup plus complexe dans un certain nombre de pays d'Asie. Un exemple très concret, le Yangtze, donc un fleuve chinois, lâche tous les ans 1,5 million de tonnes de plastique dans l'océan. Est-ce qu'on est dans une ère de greenwashing ou on sait autre chose aujourd'hui ? Je pense qu'il ne faut pas être dans une ère de greenwashing. Je pense qu'il faut qu'on s'éduque, que nous nous éduquions, qu'on éduque nos enfants. Jean-Claude Lumaret. Parce qu'on parle aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est pas tellement pour nous. Ce qui compte, c'est ce que va être notre environnement demain pour nos enfants, voire nos petits-enfants. Il faut qu'on devienne raisonnable dans notre besoin. Mais il faut que aussi on informe les gens sur ce que veut dire le bio, dégradable, sur ce que veut dire le recyclage, etc. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. On a fait du bio, on a fait du bioéthylène, du biopolyéthylène, mais c'est pas parce qu'on l'a appelé bio qu'il est bon pour l'environnement. Parce que, effectivement, il sera jamais biodégradable. Donc il faut bien qu'on éduque les gens aussi je dirais, ce que seraient des solutions. Alors on est ici sur le bassin de la Villette, sur la place Stalingrad. On va donc faire aujourd'hui une collecte de déchets participative. Ce sont des collectes de déchets qui ne servent pas vraiment à ramasser autant que tel et à nettoyer, parce qu'on n'est pas là pour nettoyer, il y a des agents de la mairie pour ça. On est là vraiment pour collecter, trier, compter les déchets. Ça va permettre d'alimenter la base européenne de données des déchets qui est détenue par l'Agence européenne de l'environnement. Pour nous, c'est un moyen important de pouvoir prévenir sur certains types de pollution, combien on retrouve en quelle quantité de tel type de déchets à quel endroit, et de permettre d'agir soit de façon locale, soit au niveau de la France ou au niveau de l'Europe sur les législations. Et c'est notamment grâce à ces collectes-là qu'on a pu participer activement à l'interdiction du sac plastique à usage unique à sortie de caisse. Ça date du 1er juillet 2016. Aujourd'hui, c'est pas encore parfait, hein, y a encore beaucoup de choses à faire autour de cette loi. Et puis, il y a une directive européenne là, qui a été enfin adoptée après de longues tractations au mois d'octobre pour l'interdiction des touillettes, des couverts en plastique, des tiges de ballons de baudruche. Voilà, ces collectes de déchets, ces initiatives océanes, ça sert à ça. Quand on fait des recherches sur Internet, il est difficile de trouver des journalistes qui se fassent le relais de ces études pour montrer qu'effectivement, le danger est là, pour montrer qu'effectivement, lorsque une publicité ou une communication nous apprend que le sac X ou Y va être totalement biodégradable et qu'il ne laissera aucun impact sur l'environnement, tout ça c'est assez approximatif et aléatoire. C'est quoi? C'est l'ère du greenwashing. On est dans l'ère du greenwashing et finalement, ce que disent les scientifiques et la science, on s'en fiche un petit peu parce que show must go on et qu'il y a du fric à se faire. Oui, c'est sûr, ça fait partie de notre société, ce mode de fonctionnement. Et donc du coup, le rapport de la Fondation Ellen MacArthur met l'accent sur la nécessité de recycler, puisque quand on recycle, on fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on récupère la valeur économique du plastique qui est perdu et on fait disparaître le déchet plastique, ce qui en réalité n'est pas vrai. 23. 4. Les chiffres sont étonnants. Les chiffres sont étonnants. Ils sont beaucoup plus importants que les années précédentes. C'est affolant et un peu surprenant aussi. Mais en gros, qu'est-ce qui remporte la palme? C'est le plastique. Le plastique, oui. Les mégots de cigarettes, là, on va en annoncer 56 000 collectés. On a beaucoup plus de gobelets plastiques que d'habitude. Alors là, j'ai pas le chiffre exact, j'ai trois chiffres différents, mais il y en a au moins 600. C'est beaucoup. Je pense que le phénomène, la vision que l'on a pu avoir de plastique dans les océans, hein, puisque c'est quand même ça qui est un des éléments majeurs du sujet, ça date maintenant d'une dizaine d'années. Et c'est vrai que les rapports aujourd'hui qui sont publiés régulièrement par le WWF, par Ellen MacArthur, etc., mettent en évidence ce problème du plastique dans les océans. Ça, je dirais que c'est un des aspects qui est très visible, avec des images dont certaines, on peut se demander d'ailleurs si elles sont vraiment tout à fait d'origine, mais avec des images qui sont très fortes et donc qui marquent terriblement. On est totalement dans l'émotion et c'est un phénomène qui a pris une ampleur dont nos hommes politiques ne peuvent pas faire l'économie. Ils doivent répondre à cette demande de la population qui s'appuie là-dessus. Ça veut dire que ces images qu'on voit avec ces épaisseurs comme ça de plastique, c'est pas les bonnes images qu'il faut montrer? Ah non, ce sont des choses qui existent. Et surtout, nous ne cherchons pas à nier l'existant. Le problème, c'est de savoir comment on peut faire en sorte que tout ce qui part dans les océans déjà n'y aille plus. Premier point. Et le deuxième point, c'est comment faire en sorte de réduire ce qu'il y a actuellement dans les océans. Des campagnes internationales sont lancées, un monde sans plastique, pour une nouvelle économie du plastique. Et on a alors toutes les difficultés à parler des créations plastiques, notamment avec les créateurs de mode. Je pense à Courrèges, Isabelle Marant, Paco Rabanne, des gens qui nous ferment les portes, jusqu'à chez Bic. Le plastique répondait à l'impératif écologique parce qu'il était recyclable. Manuel Charpie, historien de la culture matérielle et visuelle au CNRS. Je pense qu'on se rappelle tous des premières communications très fortes sur le recyclable. C'était, voilà, vous achetez une fourrure polaire, elle a été faite avec, je ne sais plus, avec 100 bouteilles d'Evian ou de je ne sais pas quoi. Et c'est assez drôle que dans la haute couture, qui se préoccupe assez peu, on peut dire ça, d'écologie. On ne parle pas de ça, mais c'est pas tellement étonnant. Dans les années 60, être un créateur très moderne, c'était employer du plastique et c'était le montrer, le mettre en scène. Mettre en scène des morceaux de plastique, tout un tas de fausses matières à base de plastique, des vinyles, voilà, évidemment les années vinyles, les années latex. Donc oui, on avait toutes ces matières-là. Et c'est assez curieux d'imaginer que maintenant on occulte ça. Et en même temps, ça revient. C'est-à-dire que la sensibilité au monde animal et à la maltraitance des animaux fait qu'on n'a jamais produit et consommé autant de fourrures synthétiques à base de plastique, de fausses peaux de crocodile, de fausses peaux de serpent. Tout ça est fait à base de matières plastiques. Je pense qu'il s'est passé aussi une grande bascule sur les objets quotidiens. C'est que BIC était associé effectivement à la modernité, c'est-à-dire à une sorte de nouveauté permanente. La modernité, c'était la nouveauté permanente. C'était lié aussi à la jeunesse, enfin, l'idée d'avoir des objets pas chers, qu'on jetait. On n'était pas dans une logique de patrimonialisation. Voilà, le BIC jetable, c'est un peu l'inverse du coupe-chou qu'on garde toute sa vie. Enfin, donc il y avait tout cet imaginaire-là. Je pense que la bascule est liée au fait qu'aujourd'hui, on l'a vu dans les années 90, d'un seul coup, le plastique est devenu encore plus ordinaire dans notre quotidien du fait de la production chinoise. En gros, c'est de l'hyper-jetable qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se revendiquer comme jetable. Le prix et la commodité des objets font que de toute façon, on les achète. Et du coup, je pense que les objets qui se revendiquaient comme jetables se sont retrouvés déclassés en quelque sorte et associés à ce monde du plastique pas cher. En même temps, Courrèges communique sur son compte Instagram en disant « nous, le plastique, on ne veut plus en faire ». Et quand on leur dit « c'est bien de communiquer sur cette campagne », les portes se ferment. Mais de toute façon, ce qui est curieux, c'est que la mode, si on s'arrête sur la mode, est de toute façon prise dans un... C'est une des industries les plus polluantes du monde. Ça, c'est l'affaire est pliée. Mais c'est pas parce qu'on va produire du coton bio, par exemple, que c'est mieux sur le plan écologique. Il faut savoir ce que c'est aujourd'hui la production du coton bio. C'est une sorte de désastre écologique, le coton bio. Donc c'est pas tant la matière, en fait, aujourd'hui, qui pose problème que la fréquence, que le renouvellement. Et on sait qu'il y a effectivement, en parallèle, des marques extrêmement populaires de mode instantané, en quelque sorte, que peut commander en ligne. Les 95%, c'est du plastique. On sait que c'est des vêtements qui sont destinés parfois à être portés une soirée, deux soirées, pas plus. Et personne n'a envie de toucher à ça. Et puis, je crois aussi qu'on s'est quand même embarqué dans des vies qui sont rythmées par une consommation qui n'est plus très très liée à notre bonheur, quoi. Donc là, je crois qu'on a une autre forme de modernité à inventer. Il était une fois une île perdue au milieu des océans qui était si petite que personne ne la connaissait. Personne. Pas vraiment, car en réalité, s'il n'y avait aucun être humain dessus, il y avait des tas d'êtres de toutes les formes qui habitaient cette île, la plus jolie du monde. Or, un jour, une chose bizarre arriva sur la plage, une chose que personne n'avait jamais vue, un sac plastique. Il intrigua beaucoup d'animaux de la petite île qui s'en approchèrent. Hélas, le sac fit une première victime, Papa Tortue le confondit avec une méduse et s'étouffa avec. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream.